وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. في سورة البقرة ومن الصفار في السير وكبير رحمه الله تعالى. وكفيك إن شاء الله بإذن الله تفسير سورة البقرة en résumé, Inch'Allah. Cette sourate, sourate al-Baqara, elle porte le nom de al-Baqara. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire dans cette sourate qui a un rapport avec al-Baqara, avec la vache, l'histoire de la vache. Cette vache que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au Bani Israël de donner en sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens parmi les Bani Israël qui ont tué quelqu'un. Et cette personne qui est morte, on n'a pas su qui est son meurtrier. Allah Azza wa Jalla leur a fait égorger une vache. Ensuite, ils ont essayé de compliquer les choses. Allah Azza wa Jalla leur a compliqué les choses. Et ensuite, ils ont pris un morceau de cette vache qui est morte pour taper sur les membres du mort, qui lui aussi était mort. Et il s'est levé et a désigné ses assassins. هذه سورة سورة البقرة وهذه سورة سورة هجرية في سورة مدينوز مدينية سورة مدينوز parce qu'elle a été révélée بعد الهجرة elle a été révélée بعد الهجرة سورة qui a été révélée قبل الهجرة هي مكية سورة مكواز سورة مدينوز c'est une sourate qui a été révélée après la Hijra. Donc c'est une question de temps, c'est pas une question de lieu. C'est une question de temps et non pas une question de lieu. Al-Aya allati qala Allahu jalla wa ala fiha al-yawma akmaltu lakum dinakum hiya madiniya. لماذا بعد الهجرة يوم عرفة في الحج ce verset où Allah Azza wa Jalla dit al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. C'est une sourate, c'est partie de ce verset hein, de Médinois. Pourquoi? Parce qu'il a été révélé après Al-Hijra. Puisque c'était le jour d'Arafa, hein, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ce qui a été révélé dans Al-Hijra, ça va à Médini. Et tout ce qui a été révélé qablaha, قبل الهجرة فهو مكي هذا هو الصحيح عند الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى c'est pour ça que dans les sourates qui ont été révélées à Médine on trouve en général al-furu' al-islam duna usurihi on trouve les branches de la religion mais pas les bases dans les versets qui ont été révélés à Médine. Pourquoi? Parce que l'Usul, ça a été révélé à Mecca. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de ayats dans les sourates qui ont été révélés à Mecca sur At-Tawhid, Da'awat al-Tawhid wa Tahdhir min al-Shirk. Pourquoi? Parce que c'était les commencements de l'islam dans la péninsule arabique, notamment à la Mecque. Et il y a aussi le fait que les musulmans étaient beaucoup plus nombreux et ils étaient unis sur ces bases de la religion parce qu'ils étaient à Médine, puisque c'est le premier état islamique où le prophète sallam il était présent avec As-Sahaba radiallahu anhum. وقال الله تبارك وتعالى ألف لميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله تبارك وتعالى نمونسيوني ألف لميم الحروف 3 لتر de l'alphabet arabe ألف واللام والميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن للمتقين voici le livre sur lequel il n'y a aucun doute et il est une guidée pour les pieux. قوله تعالى ألف لام Alif Walam Wamim. Il y a plusieurs avis sur ces trois lettres, ou sur ce genre de lettres que l'on trouve avant certaines sourates du Coran, juste au début de certaines sourates du Coran. Al-Qawl al-Awwal, anna laha ma'nan. Le premier rôle que l'on trouve chez les ulama, sachant qu'ils ont divergé, c'est qu'il y a un sens à cela. Alif Walam Wamim. حتى قال بعضهم هل هو اسم الله جل وعلا أو اسم للسورة؟ Jusqu'à ce que certains ont dit, est-ce que ça montre un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala ou bien le nom de cette sourate, sourate al-Baqara. القول الثاني ليس لها معنى إطلاقا. Le deuxième قول, ce sont ceux qui disent il n'y a aucun sens. Alif Lam Wa Mim. Il n'y a aucun sens. Mutlaqan. On ne retire aucun sens de ces trois lettres qui sont nommées au début de Sourate al-Baqara. Al-Qul al-Thalith. Laha ma'na. Allahu a'lamu bihi. Ils disent, il y a un sens. Le troisième avis. Il y a un sens. Mais seul Allah Azza wa Jal connaît son sens. Quant au quatrième avis. قالوا الله أعلم ألها معنى أم لا وإذا كان لها معنى فلا ندري ما هو. Le quatrième avis sont les savants qui disent qu'il y a un sens ou qu'il n'y a pas de sens, Allah est le plus savant là-dessus, quant à nous, nous ne disons rien. Peut-être qu'il y a un sens comme peut-être qu'il n'y a pas de sens. Mais Allah est le plus savant sur cette question. وأصح عند الشيخ العثيمين رحمه الله الأقوال فيها القول الثاني. Il est de l'avis que c'est le deuxième qawl qui est « Laysa laha ma'nan itlaqan » qui mentionne qu'il n'y aurait pas de sens, qu'il n'y aurait aucun sens. Pourquoi ? Parce que l'alif, wallam, wamim, les lettres de l'alphabet arabe, toutes seules, elles ne veulent rien dire. Elles veulent dire, elles ont une signification que si elles sont rassemblées. Ba, ta, sa, jim, alif, lam, mim, elles n'ont un sens que si elles sont rassemblés. Or, si elles ne sont pas rassemblées, il n'y a pas de, il n'y a aucun sens là-dedans. Donc, il est de cet avis-là. Ça y est. Pourquoi ils sont de cet avis-là aussi? Parce que le Coran, c'est une mu'jiza. Il est un miracle. Il est un miracle parce qu'il contient, dans ce qu'il contient comme richesse par rapport à la langue arabe. Donc le fait que le Coran, il ait comme caractéristique d'être un miracle, le fait de mentionner Alif, Wallam, Wamim tout seul, ce n'est pas un miracle. Il y a tout droit parce qu'il n'y a pas de sens dans des lettres comme ça qui sont toutes seules. Or, comme le Coran, il a la caractéristique d'être un miracle, il faudrait qu'elles soient rassemblées pour avoir un sens comme les autres lettres que l'on trouve dans le Coran afin de montrer que, qu'il y a l'irjaz, yani l'irjaz du Coran, de faire révéler le miracle du Coran. طيب. يقول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك اسم إشارة والمشار إليه الكتاب لكن ما قال الله عز وجل هذا الكتاب قال ذلك الكتاب واسم الإشارة ذلك للبعيد للبعيد وإن أقوال أهل العلم ذلك الكتاب ذلك للبعيد اسم إشارة للبعيد يرحمك الله لأن القرآن بعيد من عقول الناس أولا والقول الثاني هو في اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا فوق سبع سماوات فوق العرش عند الله جل وعلا يجزى جيلة جسو فقس كالعززي لا يتلزي لتهم إلى ذلك Dalika en arabe, c'est ismul ishara, c'est ce qui désigne quelque chose de loin. Donc, comme c'est quelque chose qui désigne quelque chose de loin, comment ça se fait qu'Allah Azzawajal a dit Dalika? Yann al-Qur'an, lorsque le Qur'an, avec toutes les richesses qu'il a, ba'id min aqli al-nas, il est éloigné de la raison des gens. La raison des gens ne peuvent pas atteindre le Coran. Si on aurait réuni tous les gens entiers pour faire comme le Coran, ils n'auraient jamais réussi. Ils ne peuvent réussir et ils ne pourront jamais réussir. Vous ne le ferez jamais. Le Coran est éloigné des gens puisqu'il est dans les feuillets protégés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, au-dessus des sept cieux, ce qui est éloigné des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, notamment les gens. يقول الله جل وعلا الكتاب والقرآن الكتاب والقرآن من أسماء القرآن الكتاب والفرقان parmi les noms du Coran on trouve الكتاب le livre, ou bien Al-Furqan, le discernement. Tout ça sont des noms qu'Allah a donné à sa parole. Plus une chose elle a des noms différents, plus elle est importante. En premier, Allah Azzawajal, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala a 99 noms que l'on connaît, mais il en a plus, subhanahu wa ta'ala. Plus une chose elle a des noms, plus elle est importante. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فإذا القرآن ليس فيه ريب لا قليل ولا كثير لا ريب فيه الله عز وجل مصنع aucun doute dans le Coran dans son livre القرآن كلام الله جل وعلا il y a aucun doute, il n'y a pas l'ombre d'un doute dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal wa kamil fi asma'ihi wa sifatihi wa min sifatihi al-Qur'an. Donc le Qur'an n'a aucun doute, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Wa al-ra'ib, ma huwa al-ra'ib wa al-shik. C'est le doute. Al-ra'ib, bin ma'na al-shik, le doute. Or dans le Qur'an, il n'y a aucun doute. Mutlaqan. Et le fait que cette parole vient d'Allah Azza wa Jal, c'est pour ça qu'il n'y a aucun doute et aucune contradiction. Alors que si les gens se réunissent pour faire la même chose, on y trouvera une multitude de contradictions. Tayyib. لا ريب فيه donc le croyant il doute pas sur la parole d'Allah تبارك وتعالى وليس كالكفار والمنافقين non pas comme le kuffar ou le munafiqun qui eux doutent sur la parole d'Allah تبارك وتعالى et c'est pour ça que l'Azazel a mentionné للمتقين لا ريب فيه هدى لمن للمتقين الشرط التقوى تقوى الله عز وجل celui il est il n'y a pas de doute dessus il est une guidée هدى qui est une guidée ici الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين donc le Coran il ne devient une guidée que pour les pieux ceux qui ont cette suffisance de تقوى الله عز وجل تقوى الله تبارك وتعالى طيب من الفوائد parmi les فوائد que l'on retient de ce verset puisque Cheikh l'Uthaymeen رحمه الله dans beaucoup de dans son tafsir ou bien dans شروح الأحاديث en général il te résume la partie qu'il explique il la résume, comme on vient de le faire là. Et après, il te donne les points à retirer, les leçons à retirer. On y met le fawaïd. Le fiqh al-Azawi a dit, on a dit, ça montre que le Coran il est élevé. Lorsqu'une chose est élevée, celui qui va atteindre cette chose, il devient lui aussi élevé. Le Coran, étant donné qu'il est élevé, la preuve c'est qu'Allah a dit Dharika, c'est l'Ishara lil-Ba'id. Ça veut dire que celui qui va atteindre le Coran, lui aussi va être élevé. ولهذا قال الله جل وعلا ليظهره على الدين كله. طيب دزم فائدة ذلك الكتاب وقد بين أنه مكتوب القرآن إلى écrit إلى écrit dans les feuillets protégés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, premièrement. Deuxièmement, dans ce qui se trouve entre les mains de l'Malaïka. Dans ce qui se trouve entre les mains de l'Malaïka. Comme Jibril alayhi salatu wa salam, qui est chargé de la révélation. Hein? C'est-à-dire dans les livres qui se trouvent entre les mains de l'Malaïka. Comme l'a mentionné Allah Azza wa Jalla dans le Coran. C'est là qu'il y a une divergence, ne le touche que les purs. Certains ils ont dit, c'est Al-Malaïka, comme il l'a rapporté Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Troisièmement, le Coran il est écrit dans ce qui se trouve entre les mains des. De qui? Al-Nas, entre les mains des gens. Taïd. Wa min al-fawa'id, anna hadha al-Qur'an. Ce Coran qui a été révélé venant d'Allah Azza wa Jal, il a été révélé yaqinan bil yaqin. Il a été révélé avec une certitude. Il contient une certitude. Il est une certitude en lui-même. Al-Dalil, la rayba fi. La preuve, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. La rayba fi. Il n'y a aucun doute dans ce livre. Wa min al-fawa'id. أن المقتدي بهذا القرآن هم المتقون. Ceux qui sont guidés par ce Coran, ce sont qui? Ceux qui ont la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font ce qu'Allah leur a ordonné en espérant la récompense d'Allah et qui délaissent ce qu'Allah leur a interdit en ayant peur du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. الدليل هدى لمن للمتقين. ومن الفوائد فضيلة التقوى وأنها من أسباب الاهتداء بالقرآن والهداية العلمية والعملية والإرشاد والتوفيق هدى للمتقين on a dit le Coran il est une guidée pour les pieux. Ça veut dire qu'ils ont la hidaya, la guidée complète. Pourquoi? Ils auront la guidée, l'ilmiya ou l'amaliya. Non seulement ils vont apprendre, mais ils vont appliquer ce qu'ils vont apprendre. Non seulement ils vont recevoir une direction à prendre, et ils vont prendre cette direction, et ils vont être conformes à cette direction. Il ne s'agit pas de connaître là où il faut aller. Autant aussi faudrait-il prendre le chemin de là où il faut aller. Connaître la bonne direction, c'est une chose, mais prendre la bonne direction, c'est une autre chose. ومن الفوائد إذا قال قائل ما الجمع بين قول الله تعالى هدى للمتقين وقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس في الأولى هدى للمتقين القرآن هدى للمتقين وفي الثانية هدى للناس كيف الجمع بينهما dans le premier verset que l'on connaît là هدى للمتقين القرآن il est une guidée pour les pieux dans l'autre Ce Coran qui a été révélé durant le mois de Ramadan, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas. Il est guidé pour les gens, dans une généralité. كيف الجمع بينهما؟ الجواب أن الهدى نوعان، العام والخاص. La guidée elle est de sorte. Il y a celle qui est générale, il y a celle qui est spécifique. أما العام فهو الشامل لجميع الناس وهو هداية العلم والإرشاد يقول الله عز وجل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. La première, c'est celle qui est générale. C'est-à-dire qui concerne toute personne. C'est quoi? هداية العلم والإرشاد. C'est le fait de savoir, d'avoir la science et d'avoir la bonne direction. D'avoir la science et d'avoir la bonne direction. C'est pour ça que Allah l'a dit, « Houdan l'innas », une guidée pour les gens. « Wa qala Allah azza wa jal an Thamud, wa amma Thamud, fahadaynahum » Quant à Thamud, nous les avons guidés. Est-ce qu'ils ont suivi cette guidée? Non. Donc ça c'est le fait d'avoir juste l'ilm, d'être informé. عندهم العلم والإرشاد, et on leur donne la bonne direction. Et le fait qu'Allah Azza wa Jalla mentionné ici dans le Coran, أما الثمود فهديناهم, nous les avons guidés. Et on sait très bien que الثمود, le peuple de الثمود, ne vont pas suivre le haq. Ils n'ont pas suivi. Donc être guidé c'est une chose, mais prendre cette guidée et l'appliquer c'est une autre chose. أما الخاص التوفيق للعمل بالعلم الهداية الخاصة celle qui est spécifique c'est quoi? C'est la guidée que tu as reçue mais qui va te permettre d'appliquer ce que tu as reçu, d'appliquer la science que tu as reçue. Ça c'est une distinction entre les deux et c'est celle qui est mentionnée في قول الله عز وجل في سورة البقرة هدى للمتقين الهدى qu'ils ont ici cette guidée العلم والعمل به elle n'est pas عام. Pourquoi? Parce que الهداية العام عام c'est quoi? C'est seulement le fait de recevoir العلم, de recevoir العلم et de recevoir le chemin à suivre. Maintenant prendre le chemin et appliquer cette science, ça c'est الهداية الخاصة et celle qui dans ce verset, Hudan lil muttaqin. هذا الجمع بين الآيتين entre les deux. C'est pour ça qu'Allah عز وجل a dit, Allah عز وجل, قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Ce Coran là, il est quoi? قل هو, يعني le Coran, للذين آمنوا, il est pour ceux qui croient, هدى وشفاء. Il est une guidée et une guérison. Ça veut dire que ici, cette guidée, c'est l'application. Hein, ils vont recevoir, ils vont, Allah Azza wa Jalla va les leur faciliter en appliquant. ثم يقول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ceux qui ont cru à l'invisible, qui ont accompli la prière et qui ont donné ce qu'on leur a octroyé. Ce sont ceux qui ont cru à ce qui a été révélé sur toi et qui a été révélé avant toi et qui croient avec conviction et certitude dans l'au-delà. Ce sont ceux-là qui sont sur la guidée de leur Seigneur et ceux-là sont ceux qui réussissent. Allah Jalla wa Ala zakara fi hadhihi في الآيات ست صفات من المؤمنين. Il a donné six attributs des croyants. أولا الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب. Premièrement ceux qui croient à l'invisible. ثانيا إقامة الصلاة ويقيمون الصلاة. الإنفاق مما رزقهم الله جل وعلا ومما رزقناهم ينفقون. Premièrement, de croire l'invisible. Deuxièmement, d'accomplir la prière. Troisièmement, de donner l'aumône, que ce soit الزكاة أو الصدقات. Quatrième صفة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يؤمنون بجميع الكتب. Ils croient en tous les livres révélés par Allah تبارك وتعالى. خامسا الإيقان بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون. Une autre صفة c'est qu'ils croient en l'au-delà. وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الهداية والفلاح. Ils sont sur la guidée. هم المهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. المهديين sont la sunna et la sunna des califes bien guidés. C'est-à-dire ils sont sur l'hidayah. العلم والعمل يعلمون ويعملون. Ici tu regardes bien l'آية. يقول الله عز وجل على هدى أولئك على هدى من ربهم. على هدى comme on a dit que celui qui va suivre le Coran, comme le Coran il est élevé, celui qui suit le Coran il devient élevé lui aussi par rapport au reste de la création. كذلك الهدى على الهدى وفي الظلمات. فهمتم؟ على يعني فوق وفي تحت في الظلمات. لذلك العزيز لما سمي على الهدى على حرف الجر في على الفي sur la guidée. Ça veut dire que celui qui est guidé, quoi qu'il arrive, il est élevé. Parce que l'Azhar, il a dit « ala al-huda ». Ils sont sur une guidée. Ça veut dire qu'ils sont élevés par cette guidée. Et si tu regardes bien l'Azhar, lorsqu'il dit « fi zulumat » dans les ténèbres, ça sous-entend « fi yani taht ». Ils sont rabaissés en étant dans les ténèbres. « Zulumat al-shirk » « wal-kufr » « wal-nifaq » « wal-bida' » « wal-fusuq ». Donc le fait qu'Allah veut dire « Allah » c'est le fait de les élever. D'élever cette guidée, elle permet d'élever l'homme qui marche hein, avec cette guidée. « Falaïsa indahum shak » Ils n'ont aucun doute et sont des gens qui marchent sur les bonnes actions. Ils sont des gens qui même lorsqu'ils sont touchés par un mal, « yara'awna hanna dhalika min maslahatihim » Tellement ils sont élevés par cette guidée et qu'ils comprennent ce livre et qu'ils n'ont aucun doute dans ce livre, que même lorsqu'un problème leur parvient ou une épreuve leur parvient, ils voient cela comme min maslahatihim, comme un bien pour eux. Hudan liman min man min rabbihim, une guidée venant de leur Seigneur min Allah jalla wa ala. Wa ulaika humul muflihun. Al falah ووسيلته ما سبق. La conclusion, وأولئك هم المفلحون. Ceux-là sont ceux qui ont réussi. Pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils ont toutes les sifat qui sont juste avant. Ils ont tous les attributs qui sont mentionnés dans les versets qui sont avant. طيب. الفوائد. أن من أوصاف المتقين الإيمان بالغيب والصلاة. Parmi les attributs que l'on donne aux gens pieux, qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné, il y a le fait de croire à l'invisible. D'accomplir la prière. وفي ذلك على ذلك الترغيب في إقامة الصلاة. لأنها من صفات المتقين. Il y a aussi le fait ici que Allah tabaraka wa ta'ala, il encourage à faire la prière, à accomplir la prière, malgré qu'elle est obligatoire, il l'encourage quand même parce qu'elle fait partie des signes des pieux. Ça c'est un dalil ala anna man taraka as-salah laysa min al-muttaqin. Si la porte celui qui ne fait pas la prière, ne peut pas être parmi les pieux. Hada radd ala as-sufiyya mashayikhuhum alladhina yatrukuna salat al-jama'a wa salat وصلاة الجمعة يقولون أنهم مشائخ كبار، كيف هو يترك الصلاة وهو متقي؟ لا، حتى قال بعض أهل العلم وأكثر منهم: من ترك الصلاة فهو كافر. طيب، parmi les autres attributs, le fait de donner ce qu'Allah Azzawajal a donné, que cela concerne le wajib ou bien ce qui est surrogatoire, quand même, as-sadaqat, fi subul al-khayr, dans tous les chemins qui mènent au bien. Le fait qu'Allah Azzawajal a mentionné wa mimma razaqnahum, si tu regardes bien l'ayah, والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ils donnent ce qu'on leur a octroyé. ومما رزقناهم. Ça veut dire que celui qui donne ce qu'il a volé, ce n'est pas une sadaqa. Celui qui donne ce qu'il a triché pour pouvoir l'obtenir, ce n'est pas une sadaqa. يقول الله عز وجل ومما رزقناهم. De ce qu'on leur a donné. C'est-à-dire ce qu'on leur a octroyé comme bien, de choses halal. Et non pas de ce qu'eux ils ont voulu prendre de eux-mêmes. لأن الرزق قسمان. الرزق الطيب والخبيث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أسألك رزقا طيبا. وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Prophète صلى الله عليه وسلم demande une subsistance bonne. Est-ce que le prophète va faire quelque chose de mal pour obtenir une subsistance? Non. Et pourtant, lui-même, il demande « rizqan tayyiba ». Le fait qu'il demande « rizqan tayyiba », c'est qu'il y a d'autres qui existent. « Al-khabith », le mauvais risque, celui qui est « haram » ou obtenu par quelque chose de un moyen qui est « haram ». Donc ici, le fait qu'Allah Azza wa Jalla dit « wa mimma razaqnahum », il donne de ce qu'on leur a octroyé, c'est-à-dire de ce qu'ils ont obtenu d'une manière licite, venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, Allah Azza wa Jalla va l'accepter comme sadaqa. Sinon, Allah Azza wa Jalla ne l'accepte pas. Il y a aussi le fait que وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ils donnent de ce qu'on leur a octroyé, ça ne concerne pas que le zakat. Même si As-Salat qui est mentionné juste avant, on sait que lorsqu'il y a salat qui est mentionné, il y a zakat qui est mentionné. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux droits. As-salat haqullahi azza wa jal, wa zakat haqun nas. La prière, elle contient le droit envers Allah azza wa jal, alors que la sadaqa, zakat, elle contient le droit envers les gens. C'est pour ça qu'elle est toujours mentionnée, elles sont toujours mentionnées toutes les deux. Mais ici, le fait qu'Allah azza wa jal a dit, wa mimma, yani min, wa mimma razaqanahum yunfiqoon. Yani am, c'est général. Il donne de ce qu'on aura octroyé comme subsistance. Yani am, ça ne concerne pas que le zakat. Et ici, c'est l'avertissement contre l'avarice. Contre l'avarice. Al-Bukhul. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla a dit wa mimma razaqnahum yunfiqun. Il donne. Donc ça veut dire qu'il faut donner. Fi sabilillahi Azza wa Jalla. Il faut donner les aumônes. Et comme a dit le Prophète, la sadaqa, elle efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Elle efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Wa min al-fawa'id. من صفات المتقين الإيمان بالغيب وبالآخرة كل ما بعد الموت. Tout ce qu'il y a après la mort. Tout ce qu'il y a après la mort. Et on trouve beaucoup de il y a une faïda là-dedans, c'est que أحمية الإيمان بالآخرة. L'importance de la foi en l'au-delà. Combien de hadiths on trouve إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يؤمن بالله وباليوم الأخير. من يؤمن بالله وباليوم الأخير. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah au jour dernier, ceci, cela. Celui qui croit en Allah au jour dernier. Plein de hadiths comme ça. Parce que la hikma, de croire en Allah et au jour dernier, c'est ça qui va te pousser à faire al-hasanat, les bonnes actions. Pourquoi? Parce que la religion commence toujours par ça. Comme ici, ils croient en l'au-delà. C'est pour ça qu'ils accomplissent la prière, c'est pour ça qu'ils donnent de ce qu'on leur a octroyé, parce qu'ils croient en l'au-delà. Pourquoi est-ce que tu as accompli les bonnes œuvres? Parce que tu as cette aqida, ou l'asl. C'est ça la base. L'asl, l'aqida sahiha, l'imanu bil ghaib, l'imanu billahi jalla wa'ala, l'imanu bil malaik, l'imanu bil kutub, l'imanu bil rasul, alayhi salatu wa salam, والإيمان باليوم الأخير والقدر في خيره وشره، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الإيمان بنعمة القبر، والإيمان بعذاب القبر، سبب العمل الصالح. Ce sont les, tout ça c'est une cause que tu accomplisses les bonnes actions. C'est ça qui te pousse à accomplir les bonnes actions. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala wa nabi wa sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il y a cette chose-là qui est ramenée à l'iman bil yawm al-akhir. Wa min al-fawa'id salamatu ha'ulahi fi manhajihim. Yaqul lillahi ta'ala ulaika ala hudan min rabbihim. La tranquillité de la voie qu'ils ont suivie, le manhaj. يقول لله عز وجل أولئك على هدى من ربهم. Ceux-là ils sont sur une guidée de leur Seigneur. Celui qui est sur la guidée de son Seigneur, il n'y a pas de doute qu'il est droit et qu'il n'a rien à craindre venant d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. ومن الفوائد أن ربوبية الله جل وعلا تكون خاصة وعامة. La seigneurie d'Allah عز وجل, lorsqu'elle est mentionnée dans le Coran, يقول الله عز وجل هذه الآية أولئك على هدى من لمن من ربهم الرب الربوبية الربوبية للسينيوري د الله عز وجل lorsque les mentionnées dans le Coran elle est mentionnée de deux manières celle qui est générale celle qui est spécifique et les deux sont mentionnées dans un même passage lorsque les sorciers de Pharaon ont dit قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب العالمين يعني العامة ربوبية الله عز وجل العامة والخاصة في قول الله عز وجل رب موسى وهارون. Donc la première partie ils ont dit nous avons cru au Seigneur des mondes رب العالمين برب العالمين الحمد لله رب العالمين ربوبية عامة ça c'est la seigneurie qui est générale والخاصة ربي موسى وهارون ici la ربوبية elle est خاصة elle est spécifique ici dans le verset à deux personnes موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ربوبية الله عز وجل خاصة لأن قال الله جل وعلا ربي موسى وهارون le Seigneur de Moussa et de Haroun, alayhim as-salatu wa-salam. Wa min al-fawa'id, parmi les bienfaits que l'on retient et les bonnes idées, c'est que celui qui a toutes ses sifat, huwa min al-muflihin. Ula'ika hum al-muflihun, al-talah. Celui qui a accompli la salat, qui croit à l'invisible, qui a accompli la prière, qui a accompli la zakat, wa sadaqat, des aumônes, qui croient en tous les livres, qui croient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui croient en l'au-delà, ceux-là, quoi qu'il arrive, ils obtiennent al-salah, la réussite. Dans ce bas monde, fil hadith dunya wa fil akhira. Taïf. Est-ce que ça prouve que tous ceux-là qui ont ces sifat-là, ils sont dans le même niveau dans la réussite? لا globalement ils ont le falah أولئك هم المفلحون مي الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله بالمعصية عند الله جل وعلا مي لا فوا il faut savoir qu'elle augmente comme elle descend. Si on prend deux personnes qui prient, ظاهرًا apparemment ils sont pareils, ils accomplissent la même prière. وباطنًا الفرق بين السماوات والأرض. Les deux prient. D'apparence, ils sont les mêmes. Mais dans leur cœur, il y en a un qui a le khushu' et l'autre qui est distrait. Donc il y a entre les deux, batinan, c'est-à-dire à l'intérieur de leur cœur, une différence comme entre les cieux et la terre. Parce qu'il y en a un qui est khushu', qui est humble dans sa prière et qui est concentré dans sa prière devant Allah tabaraka wa ta'ala, quant à l'autre, il est distrait. Donc est-ce que celui qui a toutes ces sifat, ils sont tous égaux dans la réussite? Non. Certains sont plus hauts que d'autres. Mais globalement, ils ont les sifat qui les ramèneront à la réussite. Comme les degrés qui sont au paradis. Comme les degrés qui sont au paradis. Ils rentrent au paradis, mais ils n'ont pas tous les mêmes degrés. Pourquoi? Parce que la foi de chacun n'est pas comme l'autre. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Mais certes, les non-croyants ne croient pas. Cela leur est égal que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Et Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Aqsamun nas thalatha. Les gens sont de trois sortes. Al-mu'minun, wal-kafirun, wal-munafiqun. الأول بالطيب والثاني والثالث بالخبيث. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. La yu'minun. Pourquoi? Parce que la raison, elle est dans la suite du verset. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Parce que Allah Azza wa khatama yaniha a scellé. Lorsqu'une chose est scellée, on ne peut pas en sortir. Quelque chose qui est scellé ne peut pas sortir de l'endroit où il est. La chose, elle est scellée. أَلَّا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَا يَدْخُلُهِ إِلَيْهِ شَيْءٍ. Rien ne sort, rien ne rentre. وَإِذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Le cœur est scellé, la vue elle est scellée, et lui, le fait d'écouter, est scellé. Ça veut dire que la vérité ne parvient ni dans le cœur, ni dans leurs paroles, ni dans leur vue, ni dans leur écoute. Pourquoi? لِمَاذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Le cœur, la vue, le cœur, lui, et la vue. Parce que la guidée, elle ne parvient que par ces trois-là. Elle ne parvient que par ces trois-là. Et celui qui va recevoir cette guidée dans le cœur, il y a celui qui va voir quelque chose qui va lui ramener cette guidée, il y a celui qui va entendre quelque chose qui va lui ramener الهداية لجدي. طيب، وعلى سمعهم، c'est-à-dire que c'est comme si on avait scellé leurs oreilles. La tasma khayran tantafi'u bihi. Il n'entend rien qui lui soit profitable pour atteindre la guidée. Il va entendre des choses, l'insan, il va entendre des choses dans cette vie ici-bas, mais tout ce qui est du domaine de l'hidayah, de la guidée, il n'entendra rien sur cela. Il n'entendra rien sur cela. Wa ala absarihim rishawa. Il en est de même pour la vue. La vérité ne leur parviendra pas à la vue. Et tout ce qu'ils regarderont ne leur sera profitable en rien. ولهم يعني لهؤلاء الكفار الذين كفروا بربهم عذاب عظيم وهو عذاب النار والعياذ بالله. Ils auront un grand châtiment. Ils auront un grand châtiment. من الفوائد, ce que l'on retient de ces versets, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le kuffar ont rejeté sa parole et qu'ils n'acceptent pas sa da'wah. Deuxièmement, c'est que certains, même si tu les appelles Allah azza wa jal, et à la religion d'Allah, il n'accepte pas, il rejette. Car ce n'est pas le seul verset où Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné le fait qu'il rejette la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. يَقُلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Ils ne croient pas. Pourquoi? Parce que leur cœur est scellé. وَهَذَا الدَّلِيلِ. Il y a aussi la preuve que celui qui rejette la vérité lorsqu'elle lui parvient, tashabbu bil kuffar, il ressemble aux non-croyants. Pourquoi? Parce qu'il rejette la vérité comme eux ont rejeté la vérité. Wa min al-fawa'id, khatama Allahu ala qulubihim. Le centre de tout, c'est le cœur. Puisqu'Allah Azza wa Jalla a dit, khatama Allahu ala qulubihim. Il a commencé bil qalb. خطم الله على قلوبهم. Allah عز وجل a scellé leur cœur. Cela montre que la base de tout, c'est le cœur. ومن الفوائد أن طرق الهدى إما بالسمع أو بالبصر. Les chemins qui mènent à cette guidée, il y a les chemins de l'écoute et les chemins de ce que l'on voit. Il y a deux moyens d'atteindre cette guidée pour qu'elle rentre dans le cœur. Il y a la vue, le fait de voir la vérité, et le fait d'écouter la vérité. وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ. Si quelqu'un dit, est-ce que le fait que le cœur soit scellé, est-ce qu'il y a une cause à cela, ou bien أَوْ إِمْتِحَانٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, ou bien Allah عز وجل de lui-même a scellé leur cœur. Est-ce qu'il y a une cause pour qu'Allah Azza wa Jalla scelle leur cœur, ou Allah Azza wa Jalla scelle leur cœur comme ça? أَنَّنَهُ سَبَابًا. Il y a certes une cause à cela. C'est parce qu'ils ont rejeté la vérité qu'Allah tabaraka wa ta'ala a scellé leur cœur. Hein? C'est parce qu'ils ont rejeté la vérité qu'Allah a scellé leur cœur. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a scellé leur cœur, donc ils ne reviendront plus jamais à la vérité, c'est qu'Allah Azza wa Jalla savait à l'avance qu'il ne reviendrait pas à cette vérité. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah Azza wa Jalla, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Après avoir mentionné 5 versets ala al-mu'minin wa ayatan ala al-kuffar, الآيات على المنافقين. Après avoir mentionné les 5 premiers versets de l'Baqara sur les croyants, ensuite 2 versets sur le kuffar, là il va donner, Allah tabaraka wa ta'ala va parler de al-munafiqun, les hypocrites. ومن الناس بالتبعيد يعني بعض الناس. ومن الناس العزيزية دي ومن الناس وليس الناس كله c'est pas tous les gens parmi les gens hein? parmi les gens afin de désigner une partie des gens لا إيمان ولا بكفر ولم يصفهم الله جل وعلا بوصف لا ولا بإيمان ولا بكفر لأنهم كما وصفهم الله تعالى في سورة النساء قال لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء il ne faut partir ni de cela ni de cela ni des croyants ni des kuffars لأن المنافق يظاهر الإسلام ويباطن الكفر يظاهر الإسلام ويباطن الكفر il montre l'islam, mais il cache dans son cœur quoi? Al-kufr, la mécréance. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ Il y a parmi les gens qui disent qu'ils croient en Allah et au jour dernier. يعني يَقُولُ بِلِسَانِهِ Ils disent cela par leur langue. Comment on sait qu'ils ne le disent pas par le cœur? La suite du verset. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ils ne sont pas croyants. Ils ne sont pas croyants. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ أي بِقُلُوبِهِمْ وَسَبَخَ مَنْ أَنَّعْنَا بِالْإِيمَانُ بِاللَّهُ وَبِالْيَوْمِ الْآخِيرِ طيب وَمِنَ الْفَوَائِدِ Ce que l'on retient de ça, c'est ce miracle du Coran qui permet de comprendre les choses et ici qui permet de classer les gens. Ici le Coran, كلام الله عز وجل وأعلم من خلقه والله جل وعلا لأنه هو الخالق. Le Créateur est plus savant sur sa création que sa création elle-même. Dans le Coran, Allah عز وجل a défini trois genres de personnes, les croyants, les mu'minoun, les kuffar et les munafiqoun. Les mécréants et les hypocrites. Donc on trouve at-taqsim, le fait qu'il y a des classifications. لأن التقسيم مما يزيد الإنسان للإنسان المعرفة والفهم. Parce que le Coran il permet de comprendre les choses. Et le fait que ce soit classé, qu'Allah Azza wa Jalla est classé par sa parole ici le Coran, cela permet de comprendre et d'éclaircir à l'homme les choses. وَمِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّ الْقَوْلُ بِاللِّسَانِ لَا يَنْفَعُ Il ne suffit pas de parler avec la langue. Et cela n'est pas suffisant. Et cela n'est pas profitable. La preuve, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ يعني الإنسان يقول أؤمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين Donc il ne suffit pas de parler, de dire. Il faut appliquer. La preuve, c'est que le munafiq il dit, mais il n'applique pas. وَمِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ وَإِنْ قَالُوا إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ يقول الله عز وجل وما هم بمؤمنين ولكن هل هم مسلمون سؤال المنافق ليس بمؤمن قال الله عز وجل وما هم بمؤمنين ils sont pas parmi les croyants هل هم مسلمون donc si ils sont pas من المؤمنين est-ce qu'on peut les classer من المسلمين الجواب إن أريدوا بالإسلام الاستسلام الظاهر فهم مسلمون وإن أريدوا بالإسلام إسلام القلب والبدن فليسوا بمسلمين Si on parle de l'islam ظاهرا de ce qui est apparent alors ils sont musulmans لأن المنافق يظاهر الإسلام il montre l'islam Mais si on parle de l'islam, en parlant de l'islam qui se trouve dans le cœur, hein, alors ils ne sont pas musulmans. Là, ils sont des musulmans. Voilà, min al-mu'min, la min al-mu'minin bila shak. Zahiran min al-muslimin wa batinan hum munafiqun. طيب ومن الفوائد ماذا قالوا؟ آمنا بالله وباليوم الأخير. آمنا بالله وباليوم الأخير يعني في قبل القلب. هذا رد على من يقول الإيمان في القلب فقط وليس عمل. Ici on a un rab contre ceux qui disent que la foi c'est que dans le cœur. Parce que c'est ce qu'ils disent les monnaies. Amanna billahi wa bil akhir. Nous on croit en Allah au jour dernier. Yani notre foi on l'a dans le cœur. Mais Allah a dit de eux, laïsa, wa ma hum bi mu'minin. Le fait qu'ils disent ça, ça ne fait pas d'eux des croyants. L'iman. Yanna l'iman, qawlun bil lisan, wa i'tiqad fil qalb, wa tasdiq, wa l'amal bil jawarih. Parce que chez Al-Sunnah, la foi, c'est le fait de croire avec le cœur, de dire avec la bouche et d'accomplir avec les actes. Et ici, le fait que les hypocrites, ils ont dit non, on croit en Allah au jour dernier, ça veut dire par le cœur. Ça ne fait pas de des croyants. Donc ça prouve bien que le fait de croire par le cœur, ça ne fait pas de toi un croyant. Tant que tu ne l'as pas dit par la bouche et que tu n'as pas accompli les œuvres. يقول الله جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils veulent tromper Allah et ceux qui croient, يعني parmi les croyants. En vérité, ils ne se trompent qu'eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, ils veulent tromper Allah et les croyants en montrant leur islam. Afin de sauver leur sang et leur honneur. Étant donné que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et que c'était Daoula Islamiyya, c'était le premier État musulman, alors ils se sont retrouvés en minorité. Et ils ont eu peur pour leur bien et pour leur sang. Alors ils ont fait semblant d'être musulmans. Ils ont fait semblant d'être musulmans. Et ils pensent qu'ils ont trompé Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que les croyants, en vérité, ils se sont trompés eux-mêmes sans s'en rendre compte. Wa min al-fawa'id. Ça prouve que al-munafiqun sont des gens de la tromperie. Yukhadi'un Allah wal-lazina amanu. Min sifatihim yukhadi'un al-nas. Il trompe. Parmi les attributs du munafiq, c'est qu'il trompe les gens. Pourquoi? Parce qu'il cache à l'intérieur de lui. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الفوائد, le fait de se préserver contre les hypocrites et de prévenir contre eux. Comment prévenir contre un hypocrite alors que son kufr est caché? Comment prévenir contre un hypocrite alors que sa mécréance elle est cachée? Il montre l'islam. Comment veux-tu savoir qui est hypocrite, qui ne l'est pas? Hadaïf ibn al-Yaman, radiallahu anhu, le prophète sallam lui a donné les noms des hypocrites. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a dit à lui: Hal ana minhum? Ah là là, il a dit ce que je fais partie d'eux. Omar ibn Khattab. Dès qu'il a su que Hudhayfa, il connaissait la liste, il est parti le voir. Il a dit ce que je fais partie d'eux. Il lui a dit non, et t'es le dernier à qui je réponds. Wa idha taraka Hudhayfa ibn al-Yaman salat al-janaza ala ahad, taraku al-sahaba salat al-janaza. Et quand lui, il ne faisait pas la prière du mort sur quelqu'un, alors le sahaba, il regardait Hudhayfa ibn al-Yaman. S'il ne la faisait pas, il ne la faisait pas. Parce qu'il savait qu'il avait les noms des hypocrites. Subhanallah, il marche parmi les gens, il sait qui est musulman, qui n'est pas musulman. Min Allah jalla wa ala, par l'intermédiaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment prévenir quand un hypocrite? Puisqu'on n'en a pas de révélation, on n'a rien du tout. Le Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahmallah, il a mentionné une chose. Al-insan arifuhu, la personne, on la connaît en suivant ce qu'il dit et ce qu'il fait. En suivant ce qu'il dit et ce qu'il fait. Si on apprend, si on sait de quelqu'un qu'il est musulman, mais on apprend par telle source ou telle source, et ces gens-là sont séraques, sont des gens dignes de confiance, qu'il fait des choses qui contredisent son islam, ou qu'il dit des choses qui contredisent son islam, tahdhir minhu. Alors on prévient contre lui. Alors on prévient contre lui. Le fait qu'il nous montre à nous une chose, mais que derrière nous on apprend, parce que alhamdulillah tout se sait. Un jour ou l'autre, Allah tabaraka wa ta'ala dévoile les gens qui veulent tromper les gens. Allah Azza wa Jalla, il les, comme il a dit le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il les fera sortir de chez eux et les dévoilera devant les gens. Même s'ils se cachent tout au fond de sa maison, dans la pièce la plus reculée, Allah Azza wa Jalla, il les fera sortir et il les dévoilera devant tout le monde. Celui qui trompe les gens, un jour ou l'autre, Allah tabaraka wa ta'ala le dévoile. Alors si on apprend par source sûre que telle personne ou telle personne, il nous a montré l'islam, mais que ses paroles ou ses actions contredisent son islam, tahdhir minhu. Alors on se doit de prévenir contre lui. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين